Beaucoup de patinage de vitesse sur contre-piste cette semaine. On a eu Marianne Saint-Gelais hier. On a eu François-Olivier Roberge qui est venu nous parler des championnats du monde. Et là, et maintenant, il y avait une autre compétition en fin de semaine à Rivière-du-Loup et une autre également à Montréal. Et pour en parler, on parle avec notre collaborateur de patinage de vitesse sur contre-piste. Un de nos collaborateurs, c'est David Simard. Salut, David! Bonjour! David, effectivement, tu es d'accord avec moi que c'est probablement le championnat de le patinage de vitesse sur contre-piste, c'est probablement le sport national au Saguenay-Lac-Saint-Jean. S'il y avait un sport national, là, c'est incroyable. Et en fin de semaine, Marie-Anne, Marie-Ève Drolet, Valérie Maltais, Cassandra était là-bas, Samuel Girard. Ouais. Et là, oui, c'est une grosse région de patinage de vitesse. On est une des plus importantes au niveau du patinage de vitesse parce qu'on développe des patineurs, beaucoup de patineurs d'équipe nationale. Puis je pense aussi au niveau médiatique, on est très bien couvert partout. Fait que ça nous montre un peu notre notoriété un peu là-dessus. Ouais. Je pense qu'effectivement, on est des gros sports dans la région. Effectivement. Donc, on va y aller maintenant avec ce qui s'est passé. On va commencer avec Montréal. C'était les sélections canadiennes seniors. Et il y avait trois de nos patineuses qui étaient là-bas. Donc, Rosalie Tremblay, Léonie Bradette et Maud Tremblay. Oui, on a eu Rosalie avec une 11e position. Rosalie, elle débutait un peu de loin sa saison, un petit peu de difficulté en début de saison. Elle est bien revenue dans l'année, lors de la dernière liste de deux semaines, elle a bien performé. Je pense que ça augurait bien pour la fin de semaine. C'est un de ses meilleurs résultats aussi au niveau national, 11e position. Fait que je pense pour elle, c'est très bien. Si on regarde du côté de nos plus jeunes, donc on avait parmi les plus jeunes patineuses, on avait les deux, parmi les deux plus jeunes, donc Léonie Bradette, et Maud Tremblay en 23 et 26e position. Donc pour eux, ça a été une grosse compétition. Beaucoup d'expérience qui a été prise. Puis ça a aidé beaucoup les performances, je pense, pour eux. Pour Léonie, elle a relevé une commotion cérébrale. Elle a commencé en décembre à patiner. Ça scrape un petit peu sa saison. Le temps de prendre le beat, fait que ça l'a bien repris. Belle compétition, puis pour elle, ça a été parfait. Là, avec, pour moi, je trouve que c'est très bien. Pour Maud Tremblay, elle, aussi, pour une première expérience à ce niveau d'envergure-là, c'est très bon. Et je pense que ça a occasionné des bonnes courses, puis tout ça là, pour elle, puis beaucoup d'expérience. Fait que ça a bien été. OK. Donc, pour Maud et Léonie, c'était l'expérience. Là, maintenant, on va parler des championnats québécois qui se déroulaient à Rivière-du-Loup. Ça, c'est les championnats de l'Est. Est-ce que c'est le gros examen pour ces patineurs-là? Oui, en fait, c'est une grosse compétition. C'est leur plus grosse compétition de l'année au Québec. C'est une grosse compétition déterminante pour eux autres, pour une chose. C'est eux qui prennent les cinq premières positions, dans le fond, pour aller par catégorie d'âge, pour aller au championnat canadien de l'Est du Canada à Ottawa. C'est une première expérience au niveau national pour la plupart. Donc, on en a classé 8 dans la région, quasiment 9 avec petite mort de Saint-Félicien. On a eu des bonnes performances. Donc, Olivier Carrard, qui a eu une 5e position, qui a permis de Saint-Félicien, qui a permis de se classer au niveau des championnats canadiens de l'Est du Canada. Donc, une première expérience pour lui qui va bien mériter, je crois. OK. Il y a également Moisan aussi, Louis Moisan. Oui. Louis Moisan qui a eu une 9e position, je crois. Oui. Pour Louis, bonne performance. Nouveau patineur, je pense qu'il est en développement. Je connais l'entraîneur aussi, c'est son beau-père. Je pense qu'il est capable de faire des très bonnes performances dans les futurs. Il a passé proche de faire les Jeux du Québec aussi. C'est que je pense que pour lui, ça conclut bien sa saison. OK. En fait, semaine prochaine, ce qui s'en vient, je pense que tu as Flavie Laroche-Roy, tu as également plusieurs autres patineurs, Marianne Gay. Ouais. On a Flavie Larocheroy de Robertval, Marianne de Saint-Félicien. On a Mélina Tremblay de Saint-Félicien aussi. Puis Carina Momini de Péribonca. Donc pour eux, c'est une grosse compétition. C'est ceux qui ne sont pas réussis à se lancer au senior sont dans cette compétition-là. Ça regroupe les 60 meilleurs patineurs d'âge de 15 à 19 ans. Et leur but, c'est de compétitionner puis de gagner. On a des patineuses quand même bien placées au niveau du classement déjà en partant. Fait que j'ai hâte d'avoir leur performance. Donc Flavie qui est en 6e position et Carina en 10e. Donc, eux, ça va dire bien pour leur compétition. Pour Marianne Guy et Mina, c'est une première expérience pour eux autres dans cette compétition-là. Fait qu'ils vont prendre l'expérience beaucoup. Mais pour les autres, ils vont pas compétitionner parmi les meilleurs. J'ai hâte d'avoir les résultats qui vont s'en suivre en fin de semaine. Donc, grosse compétition. C'est une compétition sur 4 jours aussi. C'est très difficile pour les patineurs. Fait que ça demande plus de gestion d'énergie là, sur 4 jours. Savoir quoi faire. C'est beaucoup stratégique. C'est une première expérience nationale pour la plupart. Fait que j'ai hâte d'avoir ça. Les performances. OK. Donc, David, on s'en parle quoi lundi prochain pour analyser tout ça? Lundi prochain, on peut analyser ça ensemble sans problème. Ça va me faire plaisir. David Simard, notre spécialiste de patinage de vitesse sur Côte-à-Piste.